pas ça. Certaines choses alors qu'on devrait. Pourquoi on cache ça? Certaines choses alors qu'on devrait pas. J'ai envie de te parler de ce qu'on ne parle pas. Tu sais toutes ces choses qu'on se dit pas. Comme si ça se dit, c'est pas ou je ne sais quoi. Bref, ce qu'on t'a pas dit, je vais te le dire là. Alors voilà pourquoi dis-tu bah je t'aime à ta mère. T'as quoi qu'elle parte au prochain hiver. Puis pourquoi on est, je parle de salope. Mais jamais salaud dans tous mes blocs-notes. Pourquoi faut-il attendre qu'un net cher meurt pour y reconnaître tout son honneur. Pourquoi dans nos familles y'a ces tabous, ces secrets. À vous tu en as, moi aussi j'en ai. Pourquoi on dit pas ça, car on n'ose pas. C'est comme ça, y'a des paroles qui nous exaucent pas. Voilà on se sent libre sans pouvoir tout dire. Mais la vérité viendra quand on va mourir. Ce qu'on t'a pas dit, je viens te le dire. Ce que tu dis pas, un jour faudra le dire. Pourquoi toutes ces choses qu'on se dit pas. Pourquoi toutes ces choses qu'on nous dit pas. Ce qu'on t'a pas dit, je viens te le dire. Ce que tu dis pas, un jour faudra le dire. Pourquoi toutes ces choses qu'on se dit pas. Pourquoi toutes ces choses qu'on nous dit pas. La société veut juste que tu sois belle. Rien dans la tête, surtout pas que tu te rebelles. On te manipule sans que tu le remarques. Sans qu'ils le disent comme une arnaque. On t'a pas dit la paix n'est pas possible. La raison c'est que la NRA et les lobbies et autres qui se font de la thune sur la guerre préfèrent qu'elle dure car c'est un produit cher. On t'a pas dit la peur permet leur joie. Sous le marché de la sécurité se cachent des dollars. Comme leur norme fait croire que c'est fini. Mais regarde les Émirats, t'auras compris. Tout plein de choses qu'on te dira pas. Si t'es moche, notre belle société t'acceptera pas. Beaucoup de superficialité. On fait d'ignorance une spécialité. Ce qu'on t'a pas dit, je viens te le dire. Ce que tu dis pas, un jour faudra le dire. Pourquoi toutes ces choses qu'on se dit pas. Pourquoi toutes ces choses qu'on nous dit pas. Ce qu'on t'a pas dit, je viens te le dire. Ce que tu dis pas, un jour faudra le dire. Pourquoi toutes ces choses qu'on se dit pas. Pourquoi toutes ces choses qu'on nous dit pas. Qu'on nous dit pas. Ça se dit pas. Autre chose qu'on se dit pas, t'étonne pas. Que l'homme s'embrouille et ne s'entend pas. Et peut-être tu le sais pas. Mais tu vois les vraies salopes sont celles qu'ils montrent pas. Et comme dans le rap toutes ces meufs à poil. Principe de vente l'industrie s'en régale. Et on t'a pas dit mais entre avocats et mafia. Il n'y a des fois même pas un doigt. Puis on t'a pas dit tout plein de trucs petits. Ça nourrit des déceptions de la vie. Et oui puis pourquoi on est campé. Le jour où on meurt est fini enterré. Voilà il y a peut-être une réponse à c'est pourquoi l'hypocrisie en est une je crois. Peu importe la vie continuera. De sorte que tout ça on ne dit pas. Ce qu'on t'a pas dit, je viens te le dire. Ce que tu dis pas, un jour faudra le dire. Pourquoi toutes ces choses qu'on se dit pas. Pourquoi toutes ces choses qu'on nous dit pas. Ce qu'on t'a pas dit, je viens te le dire. Ce que tu dis pas, un jour faudra le dire. Pourquoi toutes ces choses qu'on se dit pas. Pourquoi toutes ces choses qu'on nous dit pas. Qu'on nous dit pas, qu'on nous dit pas.